Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Le Québec et la fleur de lys ». Avant de commencer, je vais taper mes feuilles. Il y a un vieux patriotique de Saint-Jovite qui m'a amené un document qui explique le drapeau et la fleur de lys de façon traditionnelle. Je vais vous lire le texte qui a rapport au drapeau. Depuis son adoption en 1948, notre drapeau occupe de plus en plus dans nos manifestations populaires et sur nos édifices la place qui lui revient, la place d'honneur. Les organismes d'État, les services publics, les conseils municipaux, les commissions scolaires donnent la préséance aux fleurs de lys. C'est le drapeau qui est arboré ou déployé en toute occasion, ici comme à l'étranger. Ses origines sont lointaines, son histoire s'inscrit dans l'histoire de France et la prolonge. Il remonte par ses couleurs et ses symboles au premier drapeau national français, la célèbre chape de Saint-Martin, puis au drapeau de plusieurs rois de France. Il rappelle enfin l'acte symbolique de Jacques Cartier et les pavillons des navires de Champlain, fondateur de Québec. La fleur de lys qui orne notre drapeau est depuis des temps immémoriaux un symbole de franchise, de paix, de grandeur et de souveraineté. Donc c'est principalement du drapeau et du Québec qu'on va parler. C'est que je voulais donner une définition historique du drapeau, du fleur de lys. La fleur de lys a été utilisée bien avant. Ça, c'est l'histoire connue. Et la fleur de lys aussi a été utilisée avant. Est-ce qu'on dit un fleur de lys ou la fleur de lys? Quand on parle d'un drapeau, c'est le fleur de lys, c'est le fleur de lys, mais la fleur de lys, parce que le lys, c'est aussi une plante. Ça a une fleur. Et puis, le lys sauvage qu'on retrouve au Québec est celui qu'on retrouve sur le drapeau québécois. C'est un lys très patriotique. Qu'est-ce qu'il y a de... On s'en servait dans l'Antiquité pour purger. Ça purifie? Il servait justement à purger, il servait à éliminer la constipation puis à envoyer les gens aux toilettes. Et c'est un peu ce que ça fait avec... C'est ça, ésotériquement, il a donc été conservé par la suite en symbole ésotérique comme étant le symbole d'une énergie qui est purgatrice. C'est ce que ça a fait un certain mois d'octobre. Ça a purgé pas mal. Ils ont connu ça en Union soviétique aussi. Alors, premièrement, du point de vue de l'ésotérisme même, le fleur de lys, donc la nation, le Québec, par exemple, qui est chapeauté de quatre fleurs de lys au niveau de son drapeau, est une nation qui aura comme fonction ésotérique, et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle a été, on lui a donné ce drapeau-là, on l'a forcé à accepter ce drapeau-là. C'est que depuis longtemps, les ésotéristes du passé savent que du Québec vont venir les énergies qui vont purger la structure révolutionnaire planétaire. Alors, nécessairement, il y a le drapeau est bleu. Le bleu, du point de vue de l'aura, c'est la spiritualité, c'est l'harmonie, la justice, c'est la paix. Bon, ça revient un peu à la définition que tu donnais tout à l'heure. La croix blanche, la croix, on a vu à un moment donné dans la numérologie, la numérosophie, on a vu que la croix symbolise le chiffre 4. Il y a une ligne qui est horizontale qui symbolise les mécaniques passives. Et une ligne qui est verticale, qui symbolise aussi les mécaniques, qui sont passives, mais d'une passivité qui provient du cosmos, alors que la ligne horizontale est une passivité qui provient de la Terre. Donc, c'est l'alliance entre les mécaniques divines et les mécaniques humaines. Quand la croix est équilibrée, on a un équilibre. Si l'horizontale est plus bas, on a une épée. Alors, les forces matérielles dominent les forces spirituelles, alors ce sera donc la guerre. Si la barre horizontale est plus haute, il y a un déséquilibre aussi, c'est les forces spirituelles qui dominent. Et là, on aura l'inverse de la guerre, on aura une trop grande pacification de l'âme. Donc, on aura un peuple, finalement, qui acceptera facilement de se faire violer toutes ces sortes d'identités. On aura un peuple qui, finalement, pourra être conquis facilement. C'est comme une croix, comme un crucifix. Exactement, c'est une croix. Et dans le drapeau, bien, la croix, elle est équilibrée, c'est-à-dire que c'est au centre que les deux se touchent. Donc, ce qui fait qu'on a là l'harmonie entre, du point de vue de l'ésotérisme du drapeau, on a là l'harmonie entre les forces spirituelles et les forces matérielles. Et les quatre côtés, le 4 symbolise la matière, on a quatre fleurs de lys, donc on aura une purge à travers les quatre éléments, donc une purge à travers l'air, la terre, l'eau et le feu. Le drapeau québécois tel que défini comme celui comme cela est à peu près identique à la croix gammée d'Adolf Hitler, qui était une réplique inversée de la Svastika, où on avait les quatre éléments avec les quatre chiffres 7, le 7 étant un symbole de création, donc on avait la création par les quatre éléments. En Svastika, les 7 sont tous inversés, donc on a destruction par les quatre éléments. Au niveau du drapeau québécois, le fleur de lys est symbolisé par une fleur avec trois pétales, blanche. Le blanc symbolise la neutralité, c'est-à-dire symbolise une non-coloration. Et le chiffre 3 symbolise la résultante. Ça a toujours été l'idée même du Fils, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais normalement, quand on parle de Trinité, souvent dans l'ésotérisme, on a placé le Jésus, le Nazaréen, comme étant la troisième personne. Et encore une fois, on parlera dans l'ésotérisme catholique de comme troisième personne du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Étant donné qu'on a le chiffre 3 au niveau de chaque fleur, on peut donc comprendre, ésotériquement parlant, que le drapeau fait appel à de l'intelligence, donc à du Saint-Esprit, de l'intelligence active, de l'intelligence supramentale, à travers la purge matérielle, à travers la purge des quatre éléments, et nécessairement à travers la purge des quatre corps, c'est-à-dire du plan matériel, du plan vital, du plan astral et du plan mental. Le drapeau québécois, si on le définit, on aurait pu amener d'autres drapeaux puis commencer à définir chacun des drapeaux, puis on aurait pu se rendre compte qu'effectivement, le drapeau définit énormément ce que la nation va faire. Tant que le Québec est une province, nécessairement, le drapeau n'a pas l'ampleur énergétique qui est pour connecter la population québécoise à des égrégores ou à des énergies, à des engrammes supramentaux ou des engrammes mentaux qui vont l'amener à développer son potentiel de puissance. Tu veux dire que si on devenait un pays, le drapeau serait modifié? Non, si on devient un pays, le drapeau peut rester le même, mais si on devient un pays, automatiquement, on devient une grande nation. Tant qu'on reste une province, on est d'une province, d'une nation qui est intéressante, une nation qui est pacifique, une nation qui est originale, mais qui est extrêmement adoucie par la présence de l'énergie du Québec. Si on regarde, par exemple, le symbole 5, qui est une croix à cinq branches, qui symbolise la tête de l'homme contrôlant les quatre éléments, ou encore la tête de l'homme contrôlant les quatre membres, le symbole 5, le chiffre 5, a toujours symbolisé le contrôle à travers l'ésotérisme. Si on regarde le drapeau des États-Unis d'Amérique, qui nécessairement, c'est des étoiles, c'est une grande nation. Si on regarde les étoiles qu'il y a sur le drapeau chinois, c'est la même chose. Ou encore l'Union soviétique, ils ont une faux, ils ont un marteau, ils ont une étoile. Ce sera la même chose aussi. C'est le contrôle sur le paysan, puis sur le forgeron. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Bon. Alors, si on regarde chaque drapeau, on va se rendre compte qu'effectivement, l'égrégore, la symbolique a une importance énorme, parce que la symbolique, c'est le nom d'un pays ou c'est le nom d'une nation. C'est cette symbolique-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle attire du monde astral et du monde supramental. Elle attire des énergies particulières à l'onde de forme, et ces énergies-là descendent à travers les humains qui sont capables de supporter l'onde de forme. Donc, les humains capables d'accepter de vivre en tant que Québécois sont nécessairement facilement reliables à l'énergie qui va être amenée par l'entité même du drapeau québécois. Ceux qui ont dessiné les drapeaux, il a fallu que quelqu'un le dessine à un moment donné. C'était quoi à travers le temps? Ils sont manipulés par quoi? Par l'intelligence? Ils sont manipulés soit par de l'intelligence, soit par de l'astral. C'est-à-dire que quand c'est une nation qui est laissée à elle-même par les forces supramentales, la nation va être totalement manipulée par des mécaniques astrales, donc des mécaniques à caractère émotif. Et lorsque les nations sont manipulées émotivement, ce qui va arriver, c'est que le jeu de l'astral va faire en sorte que les populations agissent de façon à souffrir, à être heureuses et à être malheureuses, de façon à nourrir énormément le monde de la mort, donc le ciel. Si l'intelligence supramentale commence à venir chapeauter l'intrusion des forces astrales dans un contexte national, automatiquement la nation va se développer d'une nouvelle façon parce qu'elle aura un rôle particulier à jouer dans une époque particulière, c'est-à-dire que ce sera un rôle, probablement un rôle d'avant-garde, ce que plusieurs nations ont vécu dans le passé. À l'instant où la force supramentale se retire d'une nation d'avant-garde, la nation atteint une apothéose émotive, et lentement, elle va vivre un apocalypse particulière, une déchéance, un peu comme on parle de l'Empire américain avec le déclin de l'Empire américain. On connaît l'Empire de Rome qui est devenu génial, qui est tombé, la Grèce, on connaît l'Angleterre, on connaît la France avec Napoléon, l'Italie, c'est les Romains. Bon, tous les grandes nations, l'Espagne, le Portugal, qui sont partagés le monde en deux. Lorsque l'intelligence chapeaute, présentement, c'est les États-Unis d'Amérique, sont chapeautés. La dernière, un peu avant eux, c'était l'Allemagne d'Adolf Hitler. Et présentement, c'est le Québec. Ici, on parle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Charlebourg en 1958 qui donne une analogie entre la mission du rayonnement de Jean-Baptiste et celle de notre race. Et j'ai toujours expliqué que Jean-Baptiste était un juif aux cheveux noirs et aux yeux pas trop bleus. Mmh. Et le Saint-Jean-Baptiste qu'on fête au Québec, c'est un arien. Fait partie de la première sous-race de la race mère blanche. C'est un jeune enfant aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus. Donc, c'est évident qu'encore là, il faut qu'on découvre une manipulation quelque part. A rien à voir avec le juif. Avec le juif, absolument pas. C'était un petit juif, justement, celui qui l'a fait. Et puis, on doit constater qu'effectivement, on est au Québec confronté sans arrêt à des contradictions historiques, alors que énergétiquement, c'est bienvenu. La Saint-Jean-Baptiste, c'est un petit enfant aux cheveux blonds. On a un problème. Oui, c'était vraiment pas la définition qu'on avait de Saint-Jean-Baptiste. C'est un arien. Ouais. Adolf Hitler parlait, lui, de la race des grands blonds aux yeux bleus. Le Jean-Baptiste qu'on fête, c'est un arien. Ici, dans cette définition-là, on dit « Le peuple canadien-français, illuminé lui-même de la lumière du Christ », ça c'est en 1958, « dès son origine, doit à son tour illuminer le monde, projeter sur le monde la lumière divine ». Ça, c'est spiritualité. C'est original dans lequel Gégus lit ça. Ça, c'est à la découverte de notre fête nationale. Imaginez-vous ce qu'il y a où se compter là-dedans. Hein? Ici, Daniel Kemp, il va dire sur la radio, on va le traiter de fou, mais c'est écrit par les politiciens. C'est ça. Pas pire. Pas pire. Mais sauf que les gens... Les politiciens ont habitué à être fous. Normalement, c'est des touristes qui lisent ça, ça ne regarde pas. Alors, tu répètes toute cette vérité-là, là? Le peuple canadien-français, illuminé lui-même de la lumière du Christ... En passant, je t'arrête. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'intelligence supramentale, présentement, ne descend puissamment qu'à travers la langue québécoise, donc le français québécois. Elle aura tendance à être atterrie facilement dans quelques années par l'anglais américain. Alors, on parle ici, justement, des Canadiens-français. On ne parle même pas des Québécois, on parle des Canadiens-français. Non, Canadiens-français. Puis le Québec ésotérique, c'est le bouclier canadien au complet, donc les trois quarts du Canada. Je recommence la phrase. Le peuple canadien-français, illuminé lui-même de la lumière du Christ. Le Christ, on sait que c'est le terme alchimique désignant l'intelligence supramentale ou qui désigne encore l'Esprit Saint. Et c'est au Québec que la majorité des contingences supramentales descendent depuis 1957. Donc, illuminé lui-même de la lumière du Christ dès ses origines, doit à son tour, c'est marqué « doit ». En passant, dès ses origines, c'est absolument évident, le Québec a été strictement formé en nation particulière, et c'est pourquoi la langue française, que l'entité, disons, française, a été tellement bien protégée au Québec, malgré que le peuple n'était pas capable de se tenir. On n'a pas pu le coloniser, alors que le peuple n'est pas patriotique, tu sais. Et parce que, justement, il a un rôle à jouer particulier, puis dès la naissance du Québec, il a été organisé de façon à devoir assumer un jour ce rôle. De cette origine, doit à son tour. Mais c'est long, lire une phrase avec toi. J'essaierai de lire un livre. Ouais, c'est ça. Je dirais pas le dictionnaire. Hein. Je commence la phrase au complet, au cas qu'il y en a qui auraient perdu le fil. Le peuple canadien-français, illuminé lui-même de la lumière du Christ. Que je répète tes explications, j'aimerais. Non, arrête. OK. Le peuple canadien-français, illuminé lui-même. Je vais lire assez vite. Voilà. Ben, c'est lui là, qui se coupe. Vous voyez, vu? Le peuple canadien-français, illuminé lui-même de la lumière du Christ dès ses origines, doit à son tour illuminer le monde, projeter sur le monde la lumière divine. Oui. Est-ce que ça veut dire que karmiquement, si on a de l'intelligence au Québec puis qu'on ne s'en sert pas pour faire des choses internationales ou pas nécessairement faire des affaires... Ça veut dire que karmiquement, si on a de l'intelligence, puis si on ne sert pas de l'intelligence, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que le Québec, c'est la cible majeure des prochaines forces qui vont, à un moment donné, se lancer dans des phases apocalyptiques. Alors, si le Québec ne se réveille pas, à un moment donné, il sera totalement détruit. Parce qu'il est le territoire d'où va provenir l'Antichrist, et il est le territoire d'où va naître aussi le grand monarque. Et dans les deux cas, toutes les mécaniques historiques, les mécaniques traditionnelles, toute l'historicité planétaire est totalement contre l'intelligence ou contre toute mécanique du genre. Ce qui fait que le Québec est l'endroit d'où va naître le grand monarque. Il est déjà vivant. Et c'est l'endroit d'où va naître aussi l'Antéchrist. Et il est déjà vivant. Mais tant que la population du Québec n'est pas capable de se... Les temps viennent. C'est une forme de course contre la montre. Si on prend l'intelligence... Non, c'est la montre qui court. La montre court après nous autres. Si on s'en sert pour la refléter à l'extérieur, d'abord l'acquérir parfaitement, puis ensuite la refléter à l'extérieur. On devrait la refléter à l'extérieur, parce que si on n'est pas capable d'intelligencer le reste de la planète, on va se faire détruire. OK. Maintenant, c'est pas comme Adolf Hitler. Adolf Hitler, il ne voulait pas être intelligent à cette personne. Lui, ce qu'il voulait dire simplement, c'est qu'on va éliminer tout le monde. On va détruire, puis on commencera après. C'est ça, puis ils vont être obligés de se réincarner dans les corps de la race aryenne, ce qui fait que ça va servir beaucoup. Mm. Ça ne verra pas à rien. Maintenant, le Québec ne peut pas procéder de la même façon. Sa génétique n'est pas suffisamment solide de toute façon pour être capable de croître, de se multiplier à la vitesse biblique. Et puis, par contre, il devra se servir de son intelligence pour être capable de l'expandre, de l'exporter à travers la planète. Et ça, assez rapidement. Comment on va faire pour l'exporter? Est-ce que ça va être au niveau économique, social, artistique? Premièrement, on doit savoir qu'au Québec, ce qui germe présentement dans le peuple québécois, et quand je parle du peuple québécois, il faut s'entendre, je ne parle pas de la population du Québec, je parle des individus qui, à travers leur vécu sur le territoire du Québec, sont capables, à un moment donné, d'avoir de nouvelles idées particulières. La majorité des personnes, ce qui perce présentement à travers la population, à travers le peuple québécois, c'est... de l'intelligence. L'intelligence, elle a pour fonction d'obliger les mécaniques astrales et la mémoire à s'étouffer, à se retirer. Au Québec, présentement, on a probablement la plus grande population écœurée des mécaniques spirituelles sur la planète, en termes de pourcentage d'individus. tu en trouves, mettons, 1 million aux États-Unis, ben par rapport à 200 millions, il n'y en a pas beaucoup comparativement au Québec. En plus, au Québec, c'est au Québec qu'on a la plus grande transcendance de la mémoire à travers de l'intelligence. C'est au Québec qu'on retrouve les seules antennes supramentales planétaires. C'est au Québec qu'on retrouve les deux seules antennes. C'est au Québec qu'on retrouve la plus grande ouverture dans un ésotérisme renouvelé. Par exemple, si on va en Europe ou si on va dans certains pays, on aura une immense ouverture dans l'ésotérisme traditionnel. Alors qu'au Québec, c'est la seule partie de la planète où on retrouve une immense ouverture au niveau de l'ésotérisme renouvelé, que ce soit de l'ésotérisme à moustache, que ce soit de l'ésotérisme à soutane. Les gens sont ouverts. Je l'entendais, le grand moustachu, la semaine passée, dire justement à un Européen qui était son invité, il lui posait la question. Et puis l'Européen disait effectivement qu'il ne pourrait pas parler aussi ouvertement d'ésotérisme comme il faisait là, en Europe, qu'ils font ici. À la télévision, comme ça, dans un, même si c'est pas c'est une chaîne nationale, là, c'est quand même diffusé, il y a quand même beaucoup d'oreilles. Qui surtout qu'au Québec, on retrouve le plus grand ramassis d'âmes pures. D'êtres purs, pas d'âmes pures, d'êtres purs. Si on parle, par exemple, justement, du grand moustachu, c'est un être extrêmement pur. Et un être pur, comme dans son genre, il y en a quelques-uns au Québec, lui, c'est probablement l'un des plus purs, c'est nécessairement donc l'un des plus dangereux. Parce que sa pureté fait en sorte qu'il a la capacité de te rencontrer, de te dire que tu n'es pas correct, de tout faire pour prouver que tu es un charlatan. Et c'est Charles ton nom, c'est un nom famille Pédatan, charlatan. Alors, c'est un Charles qui dort, il est latin. C'est ça, charlatan. Et puis, il va être capable d'amener n'importe quoi, n'importe quelle chose. Il va pouvoir jaser à tout le monde qui t'a vu traverser les murs. La semaine d'après, il va te dire que c'était pas vrai puis que probablement, ça va être utilisé. Et puis, il va te traiter d'un paquet de noms. Et puis, 2 semaines après, il fait des conférences avec toi. Puis, il est bien à l'aise. Bien. Alors, les gens vont dire, il se putaine sans arrêt. L'âme pure a la capacité, justement, de faire ce genre de jeu. L'âme pure, ce qu'elle fait, c'est que l'intelligence la manipule à son insu. Et elle lui dit, écoute, mon petit, tu vas aller là-bas, là, puis tu vas ramasser tel personnage, les amener en public pour les faire connaître. Ça va frustrer tout le monde. C'est ce qu'il faut. Alors lui, il s'en va, il ramasse, il s'amène. Il est présent à tout le monde, puis ça frustre tout le monde, puis il perd son émission, puis 2 semaines après, il la retrouve, parce que l'intelligence s'en occupe. Je sais pas, c'est-à-dire, c'est le gars qui a perdu le plus d'émissions sur la planète. On a plein de records ici. Mm. Il décolle, il revient, décolle, il revient, décolle, il revient, décolle, il revient. Et puis, à quoi il sert? Il sert à ça. Et puis, à un moment donné, on va lui dire, écoute, les extraterrestres que tu voyais, là, ça n'est pas. Les extraterrestres sont dangereux. C'est une farce. Oh, il dit devant tout le monde, il est bien là-dedans. C'est un être pur. En ce sens que cet être-là va travailler avec toi. Puis quand l'intelligence va trouver que maintenant, il faut qu'elle lui fasse faire d'autres choses, là, va travailler contre toi sans problème. Il n'y a aucun remords de conscience, la vie est belle. Puis 2 ans après t'avoir descendu d'en bout, ben, si l'intelligence lui dit, écoute, là, va voir Charles, recommence avec lui, il va aller te voir tout de suite. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a des âmes pures au Québec, puisqu'on en retrouve ailleurs. Ça permet, et d'ailleurs, il est protégé, lui, ça fait longtemps qu'il serait fait éliminer, avec tout ce qu'il dit contre le pape, puis contre ci, puis contre ça, ouais, puis c'est une vraie farce, c'est bon. Ouais. Les êtres purs ont un rôle fondamental à jouer parce que ce sont des personnages qui ont la capacité de porter le mensonge à un point tel qu'il finit par bouillir suffisamment que la vérité en surgit. Et il a, lui, la capacité de supporter en plus de la vérité, il a la capacité de supporter une certaine dose de réalité. Bon. Et c'est assez exceptionnel. Est-ce que le fait qu'il y ait une grande concentration d'âmes pures, c'est relié au fait que le Québec est un pays relativement jeune par rapport aux... C'est les mémoires qu'on a au-dessus du Québec peuvent pas être aussi, ou les égrégores peuvent pas être aussi grands, aussi forts qu'en Europe ou en Chine, où il y a des pays qui datent de... Le Canada ne vit pas la même chose que le Québec, qui pourtant est aussi jeune, puis les États-Unis d'Amérique, même chose. Le Québec est totalement différent en ce sens qu'il a la capacité de... Le territoire lui-même fait partie de l'île Blanche, c'est-à-dire que le territoire lui-même fait partie de toutes les souches territoriales qui ont supporté les premières apparitions des sous-races, des races mères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre Blanche était le bouclier canadien. On parle de quelques millions d'années. Par la suite, on a eu l'Hyperborée, la race jaune qui va, à un moment donné, être la race dominante à cette époque-là, née au Québec. Par la suite, elle se rapatrie vers le Québec lors de la disparition de l'Hyperborée. Et lorsque la Lémurie apparaît, c'est du Québec que part les premières contingences, disons, animales, humaines, qui vont descendre dans Lémurie. C'est en Lémurie qu'elle va se sexuer. Et la Bible part son histoire de la Lémurie. Par la suite, les meilleurs, les plus avancés dans les, parmi les Lémuriens remontent vers le Québec. De là va naître la première sous-race de la race mère rouge, la race atlantéenne, qui va par la suite descendre à travers les Amériques, l'Atlantique et une partie de l'Europe. C'était un seul continent. Par la suite, il y aura encore effritement d'une grosse partie du continent. On verra l'Atlantique apparaître, entre autres, et une séparation des continents. Il faut dire que quand on voit l'Atlantique apparaître, au niveau de l'Atlantique, en réalité, c'est qu'une grande partie de l'Europe est totalement collée sur l'Amérique, puis il y a une scission qui se fait entre les deux, simplement, puis c'est là que, que l'Atlantique, on parle d'effondrement, ça ne fonde pas trop, mais divisé. Les plus évolués de la race atlantéenne, à part Moïse et certains autres personnages qui vont se ramasser à travers leurs arches en Terre de Feu ou encore en Turquie, vont remonter vers le Québec. Et de là va naître la première sous-race de la race mère blanche, la race aryenne, qui va être conduite vers le sud par un personnage qui va s'appeler Ram, connu aussi son nom de Rama. Ça veut dire bélier. Et beaucoup plus tard va apparaître l'agneau de Dieu, le fils du bélier, après Abraham, qui veut dire celui qui est issu de Ram. Et on aura progressivement, encore une fois, un rapatriement des êtres génétiquement les plus évolués de la planète vers le Québec, parce que dans les années à venir, va naître la première sous-race de la race mère bleue. C'est donc, on parle de la race québécoise, finalement. Alors, à travers tout le bélier, justement, c'était le drapeau du parti du maire drapeau à Montréal. Est-ce que Montréal avait un rôle ou un rôle particulier à jouer? Montréal a toujours le même rôle à jouer. Montréal, ouais. C'est... Bon, si on regarde Montréal... au niveau de l'écologie planétaire, les décisions qui sont prises à l'échelle de la planète ou les ententes internationales sont prises à Montréal et ça fait partie de l'entente de Montréal. Alors, selon l'entente de Montréal, le numéro 126, on est obligé d'éliminer les chlorofluorocarbones, les chlorofluorocarbones parce que ça fait ceci, ça fait cela. On doit éliminer les produits qui contiennent du BPC. Bon, ça fait partie des décisions prises dans des colloques internationales prises à Montréal et c'est Montréal qui est la souche. On a, par exemple... Hollywood pour la cinématographie. On va avoir d'autres villes en Europe pour les mêmes choses. On a des différentes villes pour différents congrès. Et à partir de Montréal, on va se rendre compte qu'au niveau de la médecine, il y a des choses qui commencent à se faire de plus en plus ici et qui ont un trait à l'échelle internationale. Au niveau des mécaniques de dépollution aussi, c'est de Montréal que ça va partir. Si on regarde l'exposition 1967, c'est Terre des Hommes, ça se fait à Montréal aussi, et c'est la seule exposition universelle qui porte un nom de ce genre, Terre des Hommes, où l'humanité au complet est reliée, le symbole, c'est tous des petits personnages qui tiennent la main. Et puis, si on regarde les Olympiques ici, la chanson thème, c'est « Je t'aime », « Yes, I love you »,« Yo te amo, yo te quiero », c'est le mot « Je t'aime » dans toutes les langues, qui est chanté simplement à travers la chanson. Alors, effectivement, Montréal est quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout que Montréal est planté en plein milieu sur une île. On a le Mont-Royal, et toute la mécanique au complet fait qu'il y a une aristocratie planétaire qui d'origine européenne qui, à un moment donné, s'est installée quelque part ici. Et progressivement, un jour, il y aura une espèce de d'émergence de cette mécanique-là. Alors, le Grand Monarque va venir de Montréal. Il y a des prédictions, des prévisions, des personnes qui disent que Montréal serait balayé de la carte en 94. Oui, il y a beaucoup d'espérances de ce côté-là. Est-ce que ça, c'est des espérances astrales? Oui, c'est Edgar Cayce qui a amené la majorité de ces espérances-là. Edgar Cayce est un personnage extraordinaire, totalement relié à la mécanique astrale. Et sa problématique à lui, c'est que l'astral descendait et lui disait, écoute, mon petit, tu vas faire une lecture par jour, deux lectures par jour au maximum. Tu vois, bon. Edgar Cayce était manipulé par son double éthérique. Le peu de double qu'il avait lui donnait des lectures une ou deux par jour pour aider les gens. Communiquer du neuf. Et l'astral le ramassant, lui disant, écoute, tu sais, t'as des dons de Dieu, faut que tu t'en serves. Alors, on lui faisait faire 4, 5, 6, 7 lectures par jour. Ça l'a tué. Comme d'ailleurs Jan Borg ici, il est mort de la même chose. L'humain qui est trop spirituel, l'humain qui aime émotivement, à un moment donné, c'est évident qu'il va se faire ramasser parce qu'il y aura une friction entre intelligence et l'astral. Et lui, ce qu'il a précipité, à un moment donné, il a sorti des prophéties, écrit ça dans un livre noir, et puis à travers ces prophéties-là, il y a une grosse partie du centre du Canada qui devrait s'effondrer, ce qui va faire en sorte que les grands lacs vont devenir plus bas que le fleuve, que l'océan. Donc, automatiquement, la mer va se vider par le fleuve dans les grands lacs, donc le fleuve Saint-Laurent va couler à l'envers. Et puis, un paquet de trucs dans le genre qui fait en sorte que, normalement, l'île de Montréal devrait se ramasser dans le coin du lac supérieur. Ton bateau va peut-être revenir. Non, on sait jamais, oui. Mais... l'humain ne devrait jamais attacher d'importance à aucune prophétie, qu'elle soit faite par Jean de Patmos, l'Apocalypse de Saint-Jean, qu'elle soit faite par Michel de Nostradamus, par Nostradamus, par Edgar Cayce, par n'importe qui, par Jean 23, par Malachi. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce qui va arriver, ce sera exactement comme c'est pas prévu. Les grands prophètes ont la grande qualité que j'ai moi aussi, c'est de pouvoir prévoir ce qui arrivera pas. Mais dans un sens, c'est parfait, parce que s'il prévoit l'apocalypse, tant mieux. Si tout le monde prévoit l'apocalypse, si... Mais non, c'est cet apocalypse-là qui n'arrivera pas. Ah oui, là, tu me mets ça noir. Non, je ne mets pas ça noir, je mets ça pas... Mais tout le monde met ça noir, ça fait qu'il n'y a pas personne qui prévoit quelque chose d'autre. Oui, ben oui, il y a aussi l'apothéose de l'autre côté. Quand il pleut, là, c'est noir quand il pleut, si t'es pas préparé. Quand l'hiver arrive, là, il neige, c'est blanc, mais c'est noir en maudit si t'es pas préparé. Hein? Bon, quand t'es préparé, il n'y a pas de problème. Tu fais du ski, tu fais de la raquette, bon, tu pelles. Ça te tient en santé. Ou encore, ça permet au médecin de vivre. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas noir. L'apocalypse, c'est une chose, et quand un être humain essaie de connaître ce qui va arriver. Bon, c'est quoi les prochaines prophéties? Qu'est-ce que Nostradamus a prédit? Bien, il a prédit qu'à 91, il passerait des choses. Il a prédit qu'à 92, ça commencerait à aller vraiment mal, au niveau pathologique, entre autres. Il a prédit qu'à 95, 96, les forces militaires se lanceront les unes contre les autres. 97, ça se bat, ça se tape la gueule, ça peut finir. 99, c'est le summum, on largue tout ce qu'on a comme bombe thermonucléaire partout sur la planète. Et puis, l'an 2001, on se rend compte qu'ils n'ont pas fonctionné. Tu sais, les technologies étaient pourrites. Et puis, en l'an 2023, ben, c'est la paix, puis il ne reste plus grand-chose. Puis, comme disait Albert Einstein, s'il y a une troisième guerre mondiale, elle se fera à coup de bombe nucléaire. Puis la quatrième, elle va se faire à coup de bâton, puis à coup de roche. Bon. Sauf que, à quoi servent les prophéties? Ces prophéties-là, elles servent uniquement à assujettir vos égos, à assujettir l'ego de l'humain, à magnétiser, hein, à hypnotiser totalement l'ego humain, pour que l'humain soit totalement en affinité vibratoire avec un désastre particulier, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est assujetti à cela. Cela fait en sorte qu'il est totalement drainé du point de vue de son énergie, et étant drainé du point de vue de son énergie, il ne peut pas parvenir à assumer l'intelligence supramentale chez lui, parce qu'il est toujours, étant donné qu'il a son ego magnétisé, occupé à assumer des prophéties astrales qui sont là uniquement pour l'empêcher de continuer à avancer. Qui est intéressé à lire des prophéties de Michel de Nostradamus, là, c'est, ou de n'importe qui, l'humain qui loue la cassette puis qui la regarde, même s'il dit « Ah, moi, c'est rien de même, je ne crois pas à ça », ceux qui ne croient pas à ça, c'est ceux qui dépensent le plus d'argent sur le tiroir aux cartes. Alors, l'humain qui est assujetti à ce genre de mécanique-là, c'est un être humain qui n'a pas présentement la centricité énergétique suffisante pour être capable de considérer l'importance de vivre dans son corps, dans sa vie. Alors, il préfère vivre dans une peur collective, dans une peur archangélique, finalement évolutionnaire, plus ou moins ascensionnelle, qui réunit tous les humains dans une force. L'apocalypse, c'est une façon d'obliger quelques milliards d'humains à passer par un trou, étant capable de laisser passer seulement un million d'humains. L'apocalypse, ça va ramasser tout le monde au complet, ça va te les aplatir d'une façon à faire une giblette, on va tout pousser ça sous pression dans un trou. L'autre côté, c'est l'ère nouvelle. L'apothéose. Ouais. L'apocalypse, c'est ça. Sauf que l'être humain qui est assujetti à la vision apocalyptique, c'est un être humain qui va manquer plein de choses. Pourquoi? Parce que l'être humain, ce qu'il va se dire, il va se dire, bon, Montréal va sauter. Qu'est-ce que je fais? Ben, les cantons de l'Est, ça va être correct. Fait que le monde déménage les cantons de l'Est. C'est là qu'on envoie les bombes, les cantons de l'Est. C'est bang, bang, bang, bang, bang. Mais est-ce qu'on voulait? On voulait que le monde aille dans les cantons de l'Est. Fait qu'on leur a dit que Montréal était pour sauter. Puis que le Nord, c'était pour brûler. Fait que le monde est dans les cantons de l'Est. Puis là, on le lance des bombes. L'apocalypse, il n'y a rien de plus dangereux pour un être humain que de se fier à des traditions qui sont historiques. L'être humain devrait se fier à aux traditions qui sont actuelles. Et quand je parle d'actuel, ça veut dire instantané. Ça veut dire que ce n'est pas une tradition. L'humain doit se fier à ce qu'il est lui. Ça, c'est des traditions qui sont toujours... qui bougent, comme tu disais tantôt, des emplois. Qui sont non traditionnelles. C'est une tradition hier, c'est pas la même aujourd'hui. J'appelle ça de l'équilibre instable. Rien de mieux quand tu marches. Quelqu'un qui est stable dans son équilibre quand il marche pas. Là, il faut qu'il déplace son équilibre, là, il avance. Puis là, il faut qu'il transfère vite, sinon il tombe à terre. T'sais? Puis là, il marche. Est-ce que c'est pour ça la position justement du Québec par rapport au reste du Canada, puis un équilibre instable, c'est-à-dire on en fait partie, on n'en fait pas partie, dans la tête, même si légalement... Non, c'est le Canada qui a le problème. Le Canada qui se dit, ils en font partie, ils en font pas partie, ils en font partie, ils en font pas partie. Le Québec n'a jamais eu de problème. Le Canada a forcé le Québec à penser à se séparer. Le Canada va forcer le Québec à se séparer, puis le Canada va finir par se séparer du Québec. C'est ce qui va arriver. Les Québécois sont présentement bien trop puissants pour se séparer. Il faudra qu'on se sépare d'eux autres. Une fois qu'ils vont être séparés, ben là, ils vont se dire, ben là, c'est pas le choix. C'est fait. C'est ça. Oui. Pourquoi tu penses que la majorité des premiers ministres qui ont travaillé au Canada étaient des Québécois? C'est des Québécois. Pas mal, c'est pas non plus. Quand je fais des conférences à l'école, souvent, je me fais interrompre de même, mais ici, c'est la première fois. Le Québec donc, va... Pourquoi les premiers ministres canadiens sont des Québécois, en majorité? Pourquoi plusieurs grands premiers ministres du Canada étaient des Québécois? Je sais pas. C'est pour aller amener la merde du Québec, là-bas? Oui, depuis que le Québec, depuis que Brian est là, le Québec est mal rené, si on le sait. Avant, c'était le Trudeau. T'sais, on était des porteurs d'eau, mais il y avait c'est très intéressant. Le Québec aura un rôle à jouer, mais pour cela, il faut que les individus commencent à s'assumer. Pour que les individus commencent à s'assumer, ça veut dire que les individus doivent se... Les personnes, les Québécois, les Québécoises qui sont en phase de conscientisation devraient commencer impérativement dès un an. On a encore du temps pour commencer, tu sais, mais plus vite on commence, mieux c'est. À rapatrier des mécaniques égrégoriennes qui vont venir non seulement nourrir le fleur-de-lysée, mais qui en plus vont venir nourrir l'entité même qu'est le Québec, pas pour être patriotique. Parce que si le Québec se réveille pas, il ne se réveillera jamais. Le président de Maine, il est en veilleuse, mais dans quelques années, s'il n'est pas réveillé, on va le tuer. Pourquoi on n'est pas patriotique? C'est vrai qu'en général, il y en a qui le sont, là, je pense à... Celui qui m'a passé le livre, faudrait pas que je dise ça. L'exception qui confirme la règle. Mais c'est en général. Peinture en bleu. Son auto avec. Ah oui, son camion. Mais en général, on n'est pas tellement patriotique. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de nation. C'est pour ça que le Canada devra forcer le Québec à s'en aller. On ne se sent pas canadien. On ne se sent pas québécois. On n'est pas canadien. Puis l'entité, vu que ce n'était pas le temps, il ne fallait pas que le Québec, que les Québécois commencent à être patriotiques avant. Premièrement, le patriotisme québécois devrait être un patriotisme d'affaires. Et devrait être un patriotisme basé sur l'intelligence, et non pas un patriotisme affectif ni émotif. Les Québécois vont commencer à s'allier ensemble uniquement pour faire des affaires. Les Québécois vont commencer à s'allier, à un moment donné, ils vont faire une nation d'affaires. Ça va devenir une Suisse, ça va devenir un pays, une Allemagne puissante du point de vue des affaires. Ça sera une nation d'affaires. Puis le patriotisme va apparaître uniquement comme dans une grande famille, dans une grande secte juive, dans une région où simplement parce qu'on est Québécois puis qu'on peut travailler ensemble au Québec, on a la capacité d'aller chercher du fric. On a la capacité de devenir riche, ça veut dire d'aller chercher du temps, d'aller chercher de l'argent. C'est ce qui va permettre à la classe populaire du Québec de progressivement monter des échelons au niveau de l'aristocratie planétaire pour en arriver à une forme de royauté au Québec. Le Québec devrait normalement devenir un royaume à un moment donné. Et qu'on serait plus entre Québécois des associés que des compatriotes? Oui. On ne sera pas des patriotes ni des compatriotes. Ni des associés cons. Non, des associés tout court et non pas des cons associés. Ce que le Québec, ce qu'il va faire, puis l'humain, ce qu'il a besoin présentement, c'est exactement cela. Je parle souvent de l'aristocratie planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes doivent se brancher immédiatement, au maximum, premièrement en changeant un peu leur tenue, leur parole, en changeant la façon dont ils vont exprimer et communiquer des choses, donc en changeant la façon dont ils s'expriment eux-mêmes. Si tu t'exprimes d'une façon sale, c'est que tu continues à te confiner, à rester sale. Si tu t'exprimes d'une façon propre, nécessairement, tu vas finir par devenir un être propre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se ressemble, ça s'assemble. L'intelligence supramentale va finir par être bénéfique uniquement aux individus qui seront capables de s'associer à de l'aristocratie, à de l'esthétisme et à de l'intelligence. Le Québec va faire cela. Le Québec, c'est son rôle d'ailleurs. Et quand on dit que le Québec, s'il ne se réveille pas, il va se faire taper dedans. Il va se réveiller, le Québec, parce que avant que l'astral vienne taper dedans, l'intelligence va venir taper dedans. Il va se réveiller. On se fait taper de toute façon, on ne se réveille pas. On va se réveiller. Par contre, ce qui va arriver, évidemment, c'est qu'il y a des individus qui ne se réveilleront pas suffisamment rapidement, puis eux vont vivre effectivement des particularités apocalyptiques qui regardent les autres. Les secteurs d'activité qui sont les plus probables de développement international, Hydro-Québec est Non, Hydro-Québec, c'est un problème. Hydro-Québec devrait se faire développer avant de commencer à développer l'extérieur. Hydro-Québec, ils ont beaucoup de problèmes avec les... Non, mais ils ont commencé à développer des produits, par contre. Ils ont commencé à développer des produits. C'est qu'ils sont totalement géniales. Dans le département 804, totalement stupide dans le département 408. On fermera le département 408. Ils sont capables de faire des piles électriques absolument géniales. Ils ne sont pas capables de faire des isolateurs de pylônes qui tiennent. Bon. Ça fait partie, ça, de l'administration. Le Québec, c'est d'ailleurs ce qui va arriver. Le Québec, la première chose, au niveau de l'informatique, premièrement, il va s'en aller dans certaines choses qui vont être extrêmement intéressantes. Il va se faire connaître un petit peu par là. Mais le Québec va surtout se faire connaître par deux choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, ça va être le charisme. La deuxième chose, ça va être les relations humaines, le service. Les Québécois auront de plus en plus un rayonnement, et c'est le rayonnement de l'intelligence supramentale, ce qui va faire en sorte que plus ça va aller, plus les Québécois vont être appréciés en tant qu'entité d'affaires un peu partout sur la planète. Aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, partout. Le charisme. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que les idées vont germer plus facilement si y a un Québécois dans ta gang à une réunion. Et ça, c'est une des premières choses qui va apparaître, c'est qu'on va rechercher le Québécois. C'est c'est une matière première qui est relativement étrange par rapport à... Une matière première, effectivement. Le Québec va être une espèce de mine, de centre ressources pour aller chercher des individus qui, par leur présence, donc leur émanation charismatique, va permettre à l'intelligence, ça va probablement permettre de pacifier une entreprise. Disons un conseil d'administration, un conseil de réunion, un conseil de décision. Ça va permettre en même temps d'amener un allègement du fardeau émotif de se faire des affaires. Et en plus, ça va permettre une gestation d'idées nouvelles que les organismes et les compagnies auront de la difficulté à voir s'ils ne font pas affaire avec un Québécois. Donc, première chose qui va arriver, c'est qu'on va partir une compagnie à un moment donné, ça va être Québécois loué. Puis là, ben là, tu loues un Québécois pour une réunion à telle place, tu vas t'envoyer un Québécois. Il se ramasse là, lui, en limousine, il rentre dedans, il s'assoit, bien habillé, bien aristocrate. Puis quand il arrive là, ben, tout le monde lui fait une place, même s'il n'y a rien à dire. On l'engage pour son charisme. Et ça va fonctionner. Bon, alors, allez vous intéresser, là. On finit d'avoir un bon emploi plus tard. C'est une agence de location. Oui, effectivement. La prostitution, mais mentale. Vous voyez, quand un homme ancien voit les choses de l'homme nouveau, ouais, c'est la même chose. Prostitution mentale. C'est la même chose. Au lieu de louer le corps, on loue l'esprit. C'est pire, même. Mais non! Ah, c'est pas pire. Ben, c'est pas mieux. Bon, regardons autre chose. On parle de la valeur qu'on attribue à un ou à l'autre. Non, parlons d'intelligence. Il faudrait qu'il en bénéficie. C'est ça. On parlait de prostitution, vu que tu es à ce niveau-là encore un peu. Ouais. Bon. Prostitution. Notre peuple contient la meilleure génétique sur la planète. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, on loue des hommes et on loue des femmes partout dans les autres pays pour marcher sur le bas du trottoir, puis racoler du monde, puis avoir des enfants. Là, on est en train de colorer et de manipuler toutes les nations du monde en mélangeant notre génétique, qui serait, disons, très bonne, à la leur. Alors, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intelligent, le putainage. Mais là, au niveau du plan physique, c'est une chose. Maintenant, on parle au niveau du plan supramental. Ce qui va arriver, c'est que les individus vont simplement acheter. Toi, quand tu rentres dans une compagnie, parce que tu es un super courtier à la bourse, ben, tu putaines. Ah oui, parce qu'il loue tes services pour le faire faire du fric. Mmh. C'est la même chose. T'es un bon cuisinier, tu putaines avec. On loue tes services pour que tu nous fasses de la bouffe. C'est la même chose. Par contre, ce qui va arriver, c'est que le fait d'envoyer des Québécois dans certaines régions, ça va faire que progressivement, c'est l'idée même du Québécois, donc du Québec, qui va lentement prendre dessus. Et en même temps, c'est l'intelligence qui descend à travers le Québécois, qui va être capable d'être prédigéré par le Québécois, qui va être capable maintenant d'être assimilable par les autres peuples. Est-ce qu'on va faire de l'import-export? Non. Si on s'en va là-bas, amener une certaine forme d'énergie ou est-ce qu'on va c'est ramener la richesse qu'on va ramener. Seulement la richesse? On va ramener les peintures que dans le musée du Louvre. On va ramener trois ou quatre tyrannosaures rex qui traînent dans le musée de New York. On va ramener des choses. On va ramener la richesse, le temps et l'argent vers le Québec en monnayant l'intelligence des Québécois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, le Québécois qui parvient à ce niveau-là, puis ça, il va en avoir de plus en plus, c'est déjà commencé. Présentement, il y a une espèce de... Il y a des transfuges. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a plusieurs Québécois présentement qui partent à l'étranger se chercher des emplois. Ça, c'est une... Tant que la mécanique n'a pas été assise dans l'intelligence, sur un siège matériel par un homme d'affaires ou une corporation d'affaires, à un moment donné, les cerveaux québécois vont avoir tendance à migrer. Par contre, c'est absolument essentiel, puis ça va venir de toute façon, où on va développer de plus en plus une classe aristocrate dans le charisme, des individus capables de comprendre les affaires, hommes, femmes, et même très jeunes, mais on va les engager, pas pour leur dire, on va les engager simplement, on les fait venir à une réunion, puis là, on fait notre réunion au complet, puis de temps en temps, on dit aux Québécois, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il dit, pas correct. On commence la réunion. On n'a pas besoin de rien savoir d'autre. Et ça va être aussi fiable que n'importe quelle machine. Lui, il va dire, l'autre là-bas, là, c'est un mandat. Bon, il dit plus rien. C'est 500 piastres. C'est menteur. C'est menteur. Après ça, on continue de jaser avec là, puis le gars va dire, bon, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marchera pas parce que les deux là-bas, ils ne s'entendent pas entre eux autres. Puis ils font comme s'ils s'entendaient, mais ils ne s'entendent pas. Leur énergie est totalement l'une contre l'autre, ce qui fait que ça ne marchera pas. Donnez ça à quelqu'un d'autre. 500 piastres. Et ça va sauver énormément de temps et d'argent aux compagnies, et ça va faire en sorte que le Québécois va se faire connaître au niveau du charisme, premièrement. La deuxième chose en laquelle le Québécois va se faire connaître, c'est au niveau des relations humaines, donc au niveau des services, c'est le peuple qui, progressivement, aura la capacité de gestion des relations humaines comme on ne l'a jamais connu à l'échelle de la planète. Ça sera un peuple pacificateur, mais encore une fois, quand je parle de peuple, je ne parle pas de la gang. On n'est pas là à 300 000 personnes, on va aller casser la gueule aux autres là-bas pour les pacifier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, le fait de vivre au contact de Québécois, le fait d'engager des Québécois, le fait de se servir de l'expertise de cerveau québécois, ça va permettre à l'étranger, donc aux nations sur la planète, d'être capable de comprendre la mécanique qui fait en sorte que les humains ne sont pas capables de vivre entre eux autres. C'est au Québec que va se développer dans les années à venir la plus puissante psychologie astrale que l'humanité a reconnue. Si on regarde au niveau des affaires, la compagnie Cascade qui s'est installée à La Rochelle en France a amené, c'est ce que tu dis là, dans le fond, a amené une forme de gestion des affaires. Ouais, ils ont déboulé en Europe. Ils ont déboulé en Europe, oui. Bombardier, ben, ils ont tout bombardé l'affaire là-bas. Ils sont rendus avec, Mais là, maintenant, les anciens employés de l'usine de La Rochelle, qui étaient des syndicalistes profonds, sont rendus des actionnaires de la compagnie québécoise. Donc, ils sont rendus, ils travaillent dans le même sens. Puis c'est vraiment différent. Ils ont amené une façon de voir, une façon de travailler avec eux. Vidéotron, c'est un peu la même chose. Puis là, on parle simplement encore de l'échelle du Québec. Y a plusieurs autres points. Mais le charisme, c'est une chose à développer. Puis moi, quand je dis souvent aux individus, surtout aux séminaristes, je leur dis souvent de... Tu sais, une personne qui se conscientise, c'est évident qu'elle aimerait ça que ce soit applicable dans la matière. À un moment donné, j'aimerais ça finir par avoir de l'argent, avoir du temps. Pas pour être riche, là, d'une façon égoïque, pernicieuse, simplement pour cesser de passer, perdre ma vie à travailler pour vivre. Il n'y a rien de plus ridicule que de passer 24 heures dans la journée, dont 12 heures à chasser pour t'alimenter pour les 12 heures où tu dors. Tu retournes chasser 12 heures, t'alimenter pour les 12 heures où tu dors, tu sais, toute ta vie. Il n'y a rien de plus imbécile pour un être humain que de devoir travailler pour gagner sa vie. Donc, l'humain a besoin d'avoir de l'argent. L'humain a besoin d'avoir du temps. S'il y a que l'argent, il n'y a pas de temps, ça vaut rien, puis l'inverse non plus. Les séminaristes, souvent, c'est ce qu'on va leur compter, les individus se conscientisent, et c'est extrêmement important qu'ils appliquent précieusement, maintenant, des mécaniques qui font partie des lois qui assujettissent l'humain à l'astral, des mécaniques qui, présentement, assujettissent toute la structure financière et temporelle à de l'évolution émotive et spirituelle, parce que l'évolution émotive ou spirituelle, c'est autant tuer quelqu'un que de le sauver, hein? C'est négatif et positif. Il y a le diable dans les religions, puis il y a les dieux dans les religions. L'humain doit appliquer immédiatement. Et appliquer immédiatement, ça veut simplement dire d'appliquer immédiatement. C'est de niaiser. L'humain, c'est plein de choses. L'humain doit commencer à agir en aristocrate. T'sais, si on veut résumer au complet, là, on ne parle pas d'aristocrate véreux, ceux, à un moment donné, qui étaient parvenus. Je parle d'aristocrate. L'humain qui commence à agir immédiatement de certaines façons, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare son véhicule physique, son véhicule vital, son véhicule astral, psychologique, son véhicule mental, à la venue qui est très, très, très, qui est là, qui s'est commencé depuis déjà quelques mois, mais disons à l'intervention particulière d'une énergie qui va à un moment donné l'amener à être capable de se servir de porte ouverte. Il y a des portes qui s'ouvrent présentement et l'individu s'est habillé avec une armure, par exemple, n'arrive pas à passer dans le cadre de la porte. Il faut qu'il y ait un autre habit, c'est comme un morceau de casse-tête, l'habit que tu as. Ça va être quoi un aristocrate québécois? Un aristocrate québécois, ça va être quelqu'un qui va ressembler, qui aura toutes les qualités de Pierre-Éliott Trudeau, les qualités de René Lévesque, qui aura le portefeuille de Péladeau. Bon, parce que je dis qu'il ressemble à Péladeau, il n'est pas un Québécois, il va loin de lui. Juste le portefeuille, c'est tout ce qu'il y a. C'est un être humain qui sera capable de... La simplicité, moi je le verrai. Il y aura même un charisme papal. La simplicité de Lévesque, le charisme de Trudeau, puis le portefeuille de Péladeau, ça fait des êtres intéressants. Oui. Et il aura la parole, la grande gueule de Daniel Kim. On n'est pas sorti d'auberge. Une auberge? On commence à sortir. Voyons, là, un château, une auberge. Oui, mais c'est parce que je suis dans les vieux patriotes. Moi, j'habite à Saint-Eustache. T'habites encore, oui, c'est ça, dans les auberges, la fin de même. Puis... Tu vas-tu chercher l'eau au lac? La bataille des patriotes, c'est à côté de chez nous. La bataille d'Oka aussi? Oui. Ouais. C'était... Bon. Autre sujet. Le Québec, c'est que ça va être un personnage qui va être à l'aise financièrement, à l'aise dans sa parole, à l'aise dans sa tenue et simple. Puis à l'aise dans lui, c'est ça, simple. Ouais. C'est un personnage transparent. Un personnage transparent, ça veut dire quoi? C'est un personnage qui va être pur, hein, comme certaines personnes sont pures, sauf qu'il va être manipulé par de l'intelligence d'une façon totalement consciente. Donc, c'est un personnage qui ne sera pas capable de virer son chapeau de bord comme ça. Ils ne sont pas manipulables comme, par exemple, peut l'être notre grand évangéliste ésotérisme de télévision. Le Québécois, probablement, le Québécois va être simplement les prémices de la race nouvelle. C'est extrêmement simple. Un être nouveau, homme, femme ou enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui est heureux avec lui-même, qui est capable de s'aimer sans aucun problème, qui n'a pas besoin d'aimer personne et qui nécessairement ne déteste personne non plus. Il est nécessairement apprécié de tout le monde. Ce n'est pas des qualités à vouloir rechercher. Moi, ce que je veux, c'est pas que l'humain commence à se dire, bon, ben, c'est de me faire des amis. Comment qu'un être expérimental se fait des amis, tu sais? Il a fait des psychanalyses, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il psychanalyse un peu, tu sais, puis il connaît quelqu'un qui fait 50 cents. C'est pas ça. L'humain ne doit pas chercher comment paraître. Ça, c'est un parvenu. L'humain doit être. L'humain passe son temps à avoir. L'humain, il va avoir l'air bête, il va avoir l'air correct, il va avoir l'air de quelqu'un qui est dans le vent, il va avoir l'air d'un patriote, il va avoir l'air de riche, il va avoir l'air de, tu sais, bon. Il faut que l'humain soit. Bon, être ici maintenant, ça veut dire que tu travailles uniquement dans un laps, dans un contexte spatio-temporel très limité, qui est celui de ta présence immédiate là. Quelle que soit la façon dont vous êtes habillé présentement, la façon dont vous allez vous asseoir va faire de vous un véhicule capable de recevoir de l'intelligence enrichissante ou un véhicule capable de recevoir de l'astralité qui va être dépérissante. On a aussi de l'astralité qui est enrichissante. Bon, sauf que tu n'es pas heureux là-dedans. La façon de s'asseoir, la façon de se lever, la façon de marcher, la façon de parler. Et ce n'est pas une question de commencer à aller faire le tour des grosses boutiques pour s'acheter du linge. C'est pas ça qui est l'idée. Mais l'humain doit, dans sa tête, immédiatement descendre des matières psychiques, des matières de la substance psychologique, qui va faire en sorte qu'il va être capable de gérer un peu plus les contingences de sa vie pour parvenir à se diriger vers quelque chose qui fait partie de son plan de vie. L'aristocratie, donc nécessairement, la richesse en temps et en argent, et nécessairement la capacité énergétique de communiquer du neuf, de communiquer un savoir qui va permettre à l'humanité en général de monter de sur un autre palier. Les aristocrates, j'ai déjà expliqué souvent, c'est eux qui ont développé la médecine, c'est eux qui ont développé l'art, la musique ou la peinture ou ces choses-là. C'est eux qui vont inventer les premiers musées, c'est eux qui ont développé les sciences naturelles, la chimie, la physique, ça a toujours été les aristocrates. Ils vont développer le ping-pong, bon, OK. Ils vont développer le billard, le tennis, bon. Avec les petites jupes pour les femmes, bon. Mais ils développent plein de choses intéressantes. Et le Québécois devra devenir un aristocrate planétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate planétaire? Non. C'est que quand tu vas au Japon, les Japonais, là, ils vont se plier à ce que t'es. Puis quand tu vas en Chine, les Chinois, ils vont se plier à ce que t'es. Puis quand tu vas en Union soviétique, là, ils vont se plier. Tu prends les deux exemples de ceux qui se plient le plus facilement. Ben, c'est japonais, ils se plient sans arrêt, mais il faut que tu plies toi aussi. Prends des Allemands, ils vont se plier. Ah oui. Mais les Allemands aussi. Ils vont se plier sur la pointe des pieds. Ça, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire être centré, être soi-même? On n'est plus décentrable, on n'est plus atteignable ou modifiable dans notre comportement par la présence de quelqu'un d'autre. Voilà, tu es centré. Évidemment, encore une fois, c'est pas une question d'ego. C'est pas « Ah, je vais pouvoir faire plier les Allemands. Tabarnouche, je vais me conscientiser. » L'idée n'est pas là. Ça, c'est de l'astralisation. La personne ne sera pas jamais consciente. Quand l'Allemand va plier, c'est pour le regarder à terre. C'est pas, non, l'humain, quand on parle de centricité, c'est qu'à un moment donné, quand le pape, on parlait du pape, le pape est le personnage sur la planète présentement avec le Dalai Lama, qui sont les deux personnages qui ont le plus de charisme à l'échelle planétaire. Pourquoi? Parce que ces deux personnages simples. Le Dalai Lama, lui, c'est la réincarnation d'un paquet de bonhommes, puis le pape, c'est la réincarnation de tous les papes. Lui, le pape, quand il s'en va quelque part dans un pays, il met 3-4 petites banderoles après son chariot pour faire plaisir, tu sais, bon, au pays. Mais c'est lui, il fait ses mêmes signes, il fait les mêmes babelles, le monde comprend tout. Ça veut pas dire que le peuple que lui va visiter, le peuple doit s'assujettir au pape. Ça veut dire que le pape n'a pas à s'assujettir au peuple. Un aristocrate planétaire, ça veut dire que quand tu t'en vas n'importe où, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu marches, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu penses, ou la façon dont tu réfléchis l'intelligence plutôt, donc la façon dont tu parles, fait en sorte que c'est toujours et totalement bienvenu. C'est un aristocrate planétaire. Tu ne seras jamais snob nulle part. L'aristocrate britannique, quand il se pointe aux États-Unis, il parle avec un accent qui agace. L'aristocrate parisien, par exemple, ils sont tous aristocrates à Paris. Bon, quand ils viennent ici, ça achale tout le monde. Il y aurait qu'il va sortir de Paris. Bon. Mais l'aristocrate québécois, lorsqu'il va se diriger à certaines régions, il n'aura pas besoin de travailler pour s'ajuster. Il sera nécessairement bienvenu. C'est une aristocratie planétaire. Et ça va se développer au Québec. Ça se développe un petit peu ailleurs, mais c'est le Québec qui en est chapeau. Est-ce qu'il va falloir, pour arriver à ça, qu'on devienne bilingue? Il va falloir... Non, de toute façon, l'humain n'aura pas besoin de devenir bilingue. L'humain va devenir polylingue. Ou télépathe. C'est justement ce qui va arriver à un moment donné. Mais en attendant, là, disons... Il va devenir polylingue. Il va apprendre les langues par télépathie. C'est-à-dire qu'on va se pointer en quelque part où ça parle anglais, puis on va être capable de se débrouiller. Oui, moi, j'ai appris l'espagnol en une semaine, alors que mes professeurs d'anglais me disaient que je n'étais pas doué pour les langues, parce qu'après plusieurs années, je n'ai jamais réussi à apprendre l'anglais. Puis à un moment donné, je devais faire une conférence en anglais pour les Américains sur l'enfant téflon, et puis j'ai étudié un petit peu l'anglais, puis je leur ai fait une conférence en anglais. Et puis j'ai voulu esquiver la période de questions, parce que j'étais capable de parler, mais je n'étais pas capable de comprendre. Et puis, ils n'ont pas voulu. Et puis, finalement, ils m'ont posé des questions. Puis, à un moment donné, j'ai même commencé à traduire en français pour le gars qui devait traduire pour moi parce qu'il ne comprenait pas les questions que les Américains posaient. Et puis, finalement, je me suis passé du traducteur puis j'ai répondu aux questions. Et une semaine après, j'étais plus capable de parler en anglais. J'avais une indigestion. J'avais appris l'anglais trop vite. Et puis, mais ça dit une chose, ça dit que quand tu en as besoin, il n'y a aucun problème. C'est un indigest, le reader digest. Mais est-ce qu'on va l'apprendre toujours comme ça, spontanément? Pourquoi pas? Pourquoi? Non, pourquoi pas? Non, c'est pas dans les écoles de langue. Si les Québécois commencent à apprendre rapidement, il ne faut pas d'argent là-dedans. Sérieusement, par rapport à sérieusement, ça, l'humain ne doit pas, ce qui est très important, c'est que le Québécois ne doit pas vouloir s'immuter du jour au lendemain. La base, tu l'as déjà, si tu sais parler, tu sais parler. Tu as la base. La phraseologisation dans n'importe quelle langue, tu es capable de l'avoir. Ce qu'il va falloir que tu fasses à un moment donné, c'est que tu t'en ailles dans un pays, que tu rencontres des Anglais. Moi, je ne suis pas capable de parler l'anglais tant que je parle avec des Québécois. Bon, si tu me parles en anglais complètement, là, je comprends un peu, puis les mots viennent pas, puis je bafouille, puis j'ai de la difficulté. Si je rencontre des Américains, comme j'ai fait là-bas, bien, immédiatement, j'ai entendu parler des Américains, tu te relies à leurs vibrations, tu te relies à leurs agiteurs de pensée, et puis à un moment donné, bien, tu t'en sers. Puis là, tu as l'accent américain. J'avais une petite déformation d'un accent qui, selon une Anglaise, elle n'a jamais entendu cet accent-là nulle part sur la planète. Il faut bien avoir sa particularité. C'est ça. Mais je parlais anglais suffisamment bien parce que je parlais avec des Anglais. Et quand je suis revenu parler avec des Québécois par la suite, eh bien, c'était pas long que je parlais pas anglais. En espagnol, c'est la même chose. Quand je vais dans des pays en voie de développement ou des pays qui parlent la langue espagnole, ben, je parle espagnol tout de suite, avec l'accent du pays. Puis pas parce que je suis le Daniel Kim. Rappelez-vous, je suis un jeune qui va à l'école puis qui n'est pas doué pour les langues. Je ne suis pas doué pour les langues. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va être international puis qu'on va être bien ajusté partout? Parce que si on fait ce que tu dis là, si on se connecte dans leurs ajusteurs de pensée ou dans les égrégores nationaux ou locaux où on se trouve, on va en même temps se connecter à leurs pensées. On va donc pouvoir mieux comprendre ce qu'ils pensent ou ce qu'ils entendent. Ou c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui va permettre aux Québécois de parvenir à être un être charismatique qu'on pourra exporter. C'est ça dans les containers. On peut les rencontrer. Le peuple, En attendant d'être exporté, il va falloir être exportable. Il va falloir être exportable, justement. Il va falloir développer donc les plus grandes qualités qu'on doit rechercher ou les plus grands défauts qu'on doit fuir là, demain matin ou la semaine prochaine. Les personnes, ce qu'elles doivent faire simplement, c'est qu'elles doivent cesser de fuir leur vie. C'est ça que les gens doivent faire. Le plus gros défaut de l'humain, là, ce qu'il devrait arrêter, là, c'est qu'il devrait arrêter de fuir sa vie. Les humains occupent le temps, ils veulent s'occuper, ils s'ennuient, ils veulent s'occuper. Il y a même des personnes qui viennent aux conférences de Daniel Kim parce qu'ils n'ont rien à faire à soir. Et ils viennent s'occuper. Alors, on va au cinéma pour passer le temps. On tricote. On tricote plus aujourd'hui. On achète tout tricoté d'avance. Bon. Mais les gens passent leur temps. Les gens font des réunions spirituelles pour passer le temps. Les gens vont à l'église pour passer le temps. Le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Il n'y a rien à faire le dimanche. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église pour rire de ceux qui vont à l'église. Ou tu vas à l'église pour te faire rire. Tu vas à l'église. Ou tu fais d'autres choses. Les gens font ça. Les gens, ils plantent des fleurs l'été. Ils plantent des fleurs, puis des bulles, puis ils arrosent. Ils s'occupent de leur petit parterre pour passer le temps. Il faut que l'humain cesse de passer le temps, c'est simple. Il faut que l'humain cesse de fuir sa vie. Tu vas louer une vidéo, aucun problème. Lui-en un qui va t'apprendre quelque chose. Tu sais, pas un qui va juste nourrir ton plan astral un petit peu, mais qui va aussi t'apprendre quelque chose. Sinon, ben, mets le vidéo, puis tous les films sont bâtis sur des réalités humaines. Fait que fais comme si c'était vrai. Laisse faire des acteurs, t'apprends. On peut apprendre. Mais là, tu commences à avancer dans la structure. Mais l'humain doit privilégier au maximum le développement d'une qualité aristocratique qui souhaite la bienvenue aux touristes. C'est-à-dire que l'humain doit être un être plaisant. Le Québécois doit devenir un être plaisant et beau. Est-ce que c'est ça qu'on devait se souvenir, ce qui est marqué sur nos plaques de voiture? Ouais, je me souviens, non, je me souviens, personne ne s'en souvient encore ce que ça veut dire, mais je me souviens, c'est qu'à un moment donné, le Québécois va se rappeler ses origines énergétiques, ses origines ésotériques. Et quand il va s'en rappeler, c'est dans les années qui viennent. Quand il va s'en rappeler, c'est là qu'il va se dire... Ah, c'est nous autres! Il ne faut pas juste le parler, il le penser, il va le savoir réellement, il va l'appliquer. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les scribouillez comme il faut pour que Charles ne donne pas l'impression que c'est pas lire. Et puis on va y répondre. À tantôt.